Pour ce qui concerne le médecin du travail, c'est un médecin qui est chargé d'éviter l'altération de la santé du des travailleurs du fait du travail. Il s'est avéré ces dernières années que des processus organisationnels ainsi que des agissements répétés de personnes causaient une souffrance à des salariés. Il est donc de notre devoir de tenter d'éviter cette souffrance-là. Sauf que, compte tenu de la démographie des médecins du travail, qui est très chancelante, avec un départ à la retraite massif, le fait que le numerus clausus au niveau des études médicales est passé il y a seulement 3 ans royalement de 9 postes de médecins du travail pour l'Île-de-France à 20, on se doute que ces capacités à la fois de compréhension, donc de recherche médicale, de diagnostic et de prise en charge, aussi bien individuelle que collective, sont limitées. D'où notre recours, presque notre appel au secours, vers les médecins généralistes qui sont des médecins de premier recours. Parce que je suppose que si je demande à l'Assemblée qui connaît son médecin du travail et qui sait comment l'interpeller pour une question de souffrance au travail, je ne suis pas sûre que vous soyez nombreux à dire « Ah si, si, je sais comment faire ». Donc, le médecin généraliste reste un recours très important qu'on essaye d'inclure dans cette boucle-là, sachant qu'eux-mêmes sont très débordés dans leur travail et que les consultations de souffrance au travail, d'abord, elles ne sont pas du tout évidentes parce que la présentation des salariés est le plus souvent masquée. Parce que reconnaître sa souffrance n'est pas du tout évident. Hein. Ça ne saute pas aux yeux pour les gens qui sont en train de souffrir. Et ils s'écroulent en pleine consultation en pleurant, en disant « mais je ne sais pas pourquoi je pleure ». Et c'est extrêmement fréquent comme présentation de la pathologie. Donc, pour revenir sur les trois questions, donc la compréhension, ça passe donc par de la recherche. En matière scientifique, ça passe aussi et surtout par des statistiques, et donc ça passe par des cohortes ou des études cas témoins que l'on espère représentatives. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai récemment soutenu ma thèse d'exercice sur une série de cas. Les 3 thèses d'exercice sur l'Île-de-France qui concernaient la souffrance au travail, c'était aussi une série de cas. Donc vous imaginez bien que les résultats qu'on peut en tirer en termes de déterminants de la souffrance au travail sont des résultats uniquement suggérés. Pour l'instant, clairement, les méthodes de mise en évidence des déterminants de la souffrance au travail et des déterminants socioprofessionnels du retour au travail, on ne les a pas. Et donc, je constate avec la présentation de mon collègue ici présent qu'un institut où il y avait 400 chercheurs en Suède a été fermé manu militari, et on sent que quand même il y a du mal à mettre en place ce type de recherche. Les outils aussi qu'on utilise sont discutables. La présentation qui a été faite tout à l'heure concernant les outils, notamment chiffrés, a été très intéressante. Bon, nous, sur le plan médical, on va surtout utiliser le JCQ, le GHQ, le HAD et le BEC pour déterminer la gravité d'une dépression. Mais effectivement, ce sont des outils qui ont leurs limites. Hein, ils ont des valeurs prédictives négatives ou positives, ils ont des valeurs psychométriques, et puis des fois, ils ne s'appliquent pas du tout. Je rappelle quand même que le HADS, Hospital Depression and Anxiety Scale, a été testé sur des patients hospitalisés. Donc, ils étaient loin de travailler. Donc, au final, on fait du bricolage pour tenter de comparer les études entre elles avec les limites qui sont liées à ces échelles. De toute façon, pour le peu que ça apporte, les études de cas, certes des séries de cas, mais ça reste des cas, elles sont toujours corrélées avec l'examen clinique du médecin, et c'est l'examen clinique du médecin qui sera retenu par rapport à ces outils-là. En tout cas, pour mon travail à moi, il y a eu quand même qui portait sur 111 patients, donc très petit, hein, 111 c'est rien, il y avait une corrélation entre le HAD, le BEC et l'examen clinique du médecin de 95%, ce qui est pas mal. Mais il n'y a pas eu de test statistique qui a été fait sur ce 95%, donc hein, ça reste suspect. Hein. Donc, ben oui. Donc, pour en revenir à certains concepts, sur la question de la souffrance qui a été très bien développée tout à l'heure, En fait, nous, on se sert du concept de souffrance comme un cadre général dans lequel on va mettre des diagnostics psychiatriques qui sont basés sur les définitions du DSM-4. On ne va pas se rentrer dans la définition et dans la logique de ce que peut être une souffrance et de ce que ça peut signifier d'intime, finalement quasiment indéfinissable. On va au contraire appliquer des critères extrêmement précis. Par exemple, on va dire un syndrome dépressif, ça va être un trouble de l'humeur, une anhédonie, une clinophilie, un ralentissement psychomoteur, une baisse de la libido, un appauvrissement des relations sociales. On va prendre tout ça, ça va être un syndrome dépressif. Et comme c'est compliqué de se balader avec 5 ou 6 au moins pathologies psychiatriques pour déterminer une souffrance au travail, on va dire, ben voilà. Plutôt que de dire syndrome dépressif majeur ou syndrome anxio-dépressif mineur majeur, on va dire c'est une souffrance au travail pour en fait plus, quelque chose de plus opérationnel. Cette souffrance au travail, donc, avec ce que je vous ai défini comme étant des pathologies psychiatriques bien déterminées dans le cadre du DSM-4, Diagnostic Statistical Manual, dans sa 4e version. C'est le concept de danger, c'est ce dont on a peur. Ce qu'il ne faudrait pas que se réalise comme pathologie. La nuisance, où est-ce qu'elle est ? La nuisance, pour nous, ça va être ce qui a été appelé les risques psychosociaux. On abandonne de plus en plus ce vocable parce que, précisément, plusieurs concepts, plusieurs abords, plusieurs façons de le concevoir, finalement, pour nous, pas très opérationnel, puis ça veut tout dire et n'importe quoi, et puis facilement récupérable sur le plan politique, c'est pas ce qui nous intéresse. On va emprunter une idée qui vient de la toxicologie, parce que pratiquement tous les médecins du travail font de la toxicologie en même temps, c'est la notion de nuisance. La nuisance, pour nous, ça va être le fait d'avoir des agissements répétés, d'avoir une surcharge, une sous-charge de travail, d'être victime d'isolement, aussi bien de la hiérarchie ou des collègues, ça, ce seront les facteurs organisationnels. Je ne m'étends pas, ce sont les facteurs organisationnels. Puis les agissements répétés, alors là, pour le coup, c'est les agissements d'une personne. Alors c'est ce qui est le plus réprouvé dans la société. Ah là là, mon Dieu, il est harcelé moralement. Mais en même temps, c'est rare. Hein, trouver le grand psychopathe qui embête son collègue jusqu'à épuisement, ce n'est pas ce qui est le plus fréquent. Le plus fréquent, ce sont plus les facteurs organisationnels. Ce dont vous avez parlé, qu'on retrouve absolument ces derniers temps, la flexibilité, l'évaluation personnelle, le fait de dire à quelqu'un « Ah non, non, mais même si la société va bien, mais vous n'avez pas contribué à la hauteur des objectifs que nous vous avions fixés. Et donc, vous n'êtes pas très bien, finalement, comme salarié. » Ça, on retrouve ça extrêmement fréquemment. Donc, finalement, on a le danger dont on a peur qu'il se réalise, d'un côté, la nuisance de l'autre. Ce qui fait le lien, c'est l'exposition. Jusqu'à quel niveau les personnes sont exposées à cette nuisance pour que le danger se réalise? Et finalement, ce qu'il en ressort, c'est une probabilité de réalisation du danger. Qu'est-ce que c'est la probabilité de la réalisation d'un danger? C'est un risque. Et là, c'est vraiment... nous avons calqué le raisonnement des expositions chimiques, voilà, absolument, sur les risques psychosociaux parce que c'est opérationnel. Et puis ça permet de se débarrasser de la notion de risque psychosocial qui mélange joyeusement et le risque et la nuisance, et on met tout ça en paquet, et voilà, débrouillez-vous, voyez. Donc actuellement, c'est comme ça que nous envisageons les choses, avec les limites que cette perception peut contenir. Pour ce qui concerne le diagnostic, le diagnostic, finalement, d'une souffrance au travail n'a rien de spécifique. Je m'entends, souffrance, c'est les pathologies du DSM-4. Le fait d'être exposé à... Alors là, je reste sur mon vocabulaire. Le fait d'être exposé à une nuisance au travail ne donne pas une dépression spécifique, un syndrome anxieux spécifique, un syndrome post-traumatique spécifique. Ça n'a rien de spécifique. La clinique est tout à fait banale. Ce qui est spécifique, c'est la nuisance. Donc ce qu'il faut que les médecins recherchent, c'est la nuisance et qu'ils la classent bien comme il faut, qu'ils sachent la reconnaître, qu'ils disent pas « Ah là là, il est trop sensible celui-là ». Donc qu'ils sachent bien savoir et reconnaître qu'il s'agit bien d'une nuisance professionnelle. ça sera de l'ordre donc du médecin généraliste que nous essayons d'entraîner avec nous dans ce mouvement, et évidemment celui des médecins du travail et des médecins de pathologie professionnelle qui sont le recours au-dessus du médecin du travail en termes d'expertise. Alors on est totalement débordé. On est passé en 3 ans de 2 médecins de consultation de souffrance au travail à 5, et on n'arrive pas à éponger encore nos délais qui sont encore de 2 mois et demi. Je vous laisse penser ce que c'est 2 mois et demi de délai pour quelqu'un qui ne va pas bien. Donc il faut absolument que les médecins généralistes s'y mettent. Voilà. Sur la prise en charge collective, là c'est forcément le médecin du travail qui va réagir. Parce que c'est lui qui a accès à l'entreprise, c'est lui qui peut coordonner une équipe pluridisciplinaire, enfin la loi dit animer une équipe pluridisciplinaire selon la loi du 20 juillet 2011, loi qui... si vous voulez, a presque un petit peu anticipé le fait que, pour l'instant, on considère que la prise en charge pluridisciplinaire est la meilleure technique pour prendre en charge ce type de patient. Alors donc... j'en vois juste un petit peu les notes que j'avais prises par rapport... alors que faire du résultat universitaire? Alors ça, c'est vraiment la grosse question. D'abord, il faut en avoir un qui soit de qualité, qu'on puisse un petit peu généraliser. Et puis, alors ça, c'est vraiment à titre personnel. Il me semble qu'à un moment, la politique, au lieu de fermer les instituts, pourrait aussi prendre des décisions. Parce que là, même en faisant beaucoup de colloques et beaucoup d'études, si concrètement, ça reste lettre morte, ça ne sera pas facilement utilisable. En tout cas, dans la logique de la médecine du travail, avec une logique préventive, l'idée c'est de ne pas laisser des structurations organisationnelles pathogènes s'installer. La prévention secondaire ou tertiaire, ce sont des modes dégradés finalement d'exercice de la médecine du travail. J'en viens donc à ce pauvre médecin généraliste que nous essayons d'entraîner dans la prise en charge de la souffrance au travail. Eh bien, je suivrai un plan classique dont je vous épargne les détails. Donc, les conséquences sont graves. Alors, ce qu'on demande au médecin généraliste, en fait, c'est surtout de faire le tri. On lui demande de faire le tri parce qu'il est en première ligne, et donc, comme je vous disais, il a accès à ses patients, pour faire la différence entre, donc là, ce sont les dangers de DCM4, un état délirant, un état dépressif à risque suicidaire élevé nécessitant une prise en charge urgente, et de l'autre côté du spectre, une situation conflictuelle sans répercussions psychiatriques pour laquelle seules des aides associatives ou juridiques sont à conseiller. C'est-à-dire, en gros, nous, on n'arrive pas à déterminer la réalisation du danger, c'est-à-dire la maladie psychiatrique. Par contre, il y a une demande. Bon, et comme on est dans une logique de prise en charge pluridisciplinaire, des acteurs, en fait, en gros, il faut qu'on ait des listings d'acteurs différents qui peuvent être des assistantes sociales, la CNAM peut aussi aider un patient, et bien sûr des juristes. Les cas intermédiaires, c'est les cas les plus fréquents, et donc déterminer quelle est la part dans cette souffrance du sentiment de préjudice et d'injustice, comme disait mon collègue, et la part de la pathologie, ça sera effectivement le rôle du médecin généraliste. En 3 étapes, une étape médicale, ça, ils sont tout à fait aptes et formés et habitués à le faire, sauf qu'ils peuvent être rebutés par la longueur de l'entretien. Il ne s'agit pas d'une grippe ou d'une angine, ça ne peut pas être moins d'une heure. Ou une étape professionnelle, ça c'est la nouveauté pour eux, et une étape sociale, bon, qui en général ils sont habitués. Alors l'étape médicale, sans faire un cours de médecine rapidement, il s'agit de la recherche d'un état antérieur. Pour mémoire, les états antérieurs, c'est-à-dire la présence d'une pathologie psychiatrique avant même la présence d'une souffrance au travail, c'est rare. Voilà, c'est 10% des cas à tout casser. Et puis il existe, à contrario, des gens qui ont une maladie psychiatrique avérée et qui ne souffrent pas au travail. Donc en fait, les conditions de travail peuvent faire décompenser un état antérieur quand il existe, mais la grosse majorité des cas, ce sont des personnes qui n'ont pas d'état antérieur, et donc il s'agit d'une pathologie psychiatrique induite, acquise. Donc identifier le syndrome actuel pour lequel le patient consulte, et surtout les facteurs de risque d'un geste auto-hétéro-agressif. Bon, je vous passe les détails cliniques qui leur permettent de faire ces diagnostics, c'est leur job, ils connaissent. Les étapes professionnelles. Une chose à laquelle ils ne sont pas du tout habitués, le curriculum laboris, qui est cette personne, quel a été son cheminement professionnel, ses études. En fait, c'est surtout pour évaluer ses capacités à se reconvertir, à rebondir par ailleurs. et puis s'occuper du poste de travail actuel, faire un organigramme, qui est le N plus 1, le N plus 2, est-ce qu'il y a des collègues à côté, est-ce qu'il dirige des gens ou pas, quelles sont les tâches exactement pour lesquelles il est rémunéré. Alors là, c'est la grande question du travail prescrit et du travail réel. Quelle est la distance qui existe entre les deux? Puis alors, est-ce que le travail prescrit est faisable dans le temps et avec les moyens qui sont donnés aux patients? Et puis, caractériser l'épisode actuel, donc la phase 1 dite sereine, c'est-à-dire qu'en fait, le travail va bien, on a été embauché, on travaille avec nos collègues, tout se passe très bien. Puis, il se passe un incident. C'est jamais... il y a une restructuration, une fusion, une démission, un changement de patron, une OPA. Il se passe un événement dans l'entreprise qui fait qu'on passe à une phase de difficulté, qui veut dire en gros qu'on mobilise tous nos moyens de défense et toutes les possibilités personnelles, souvent, parce qu'il y a une notion d'isolement dans cette affaire de souffrance au travail, pour résister aux difficultés qui sont posées. Et rien n'est fait d'ailleurs pour favoriser l'émergence des collectifs de travail qui sont au contraire bien cassés dans ces circonstances-là. Et d'ailleurs, on commence par ça. Moi, j'ai la souvenance d'un patient à qui on avait dit « Bon, il vous est interdit de manger à midi avec vos collègues. Hein. » Voilà, comme ça, on est sûr que les gens ne forment pas de collectif de travail. Et puis la phase 3, finalement, de décompensation, où la personne... pour le dire trivialement, pète un plomb sur le lieu de travail, ça va être des crises de larmes, des cris, ou alors une somatisation, des évanouissements, des vertiges, on ne comprend pas ce qui se passe, des pleurs, où là, il y a vraiment un dépassement des capacités de résistance, et où le plus souvent, et sinon, il y a aussi une forme assez pernicieuse qui est celle du burn-out, où, au final, on arrive dans la dernière phase du burn-out à un effet de dépersonnalisation, où la personne, elle est dans un cynisme absolu par rapport à son travail et dans un enfermement et une solitude intérieure très important. Donc, là, il s'agit de déterminer avec des mots simples les nuisances dont je vous parlais tout à l'heure, donc les pressions psychologiques, les conflits de valeurs. Donc souvent, il y a des conflits éthiques, hein, où on demande finalement à quelqu'un de produire un travail, mais pas dans les conditions que lui estime valables. Et là, ça crée vraiment une grosse... Souvent, ça se termine par un licenciement, hein, grosse difficulté au travail. Le ressenti de l'effort fourni, la récompense. Donc là, on est dans le modèle de Sigrist, hein, la latitude décisionnelle, la récompense par rapport au travail fourni. La surcharge de travail ou au contraire la placardisation. Les relations avec le collectif de travail, très importantes pour résister. La hiérarchie, les collègues de proximité et de distance, l'isolement, donc, je vous disais, les éléments de discrimination, bon, ça, c'est plus classique, et à la limite, comme il y a des lois, c'est beaucoup plus cadré et beaucoup plus simple à identifier et à mettre en œuvre. Sur le plan collectif, alors ça échappe souvent aux médecins du travail, mais il faut qu'ils s'y intéressent. Comment fonctionne cette entreprise? C'est quoi sa politique par rapport à la santé au travail? Est-ce qu'elle s'intéresse à l'aspect démocratique? Est-ce que la santé de ses salariés lui importe? Et là, il y aura des relais à déterminer dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a une infirmière du travail? Est-ce qu'il y a des visites réglementaires en santé au travail? Est-ce qu'il y a une écoute des hiérarchies par rapport aux différentes demandes? Et je parle pas du cahier où on marque vaguement qu'un truc ne va pas et on dit oui, on a vu que vous avez marqué. Bon, ça, c'est pas très efficace. Et puis, surtout, s'il y a des cas de souffrance au travail qui sont relevés dans cette entreprise, donc des cas agrégés, et là, franchement, le médecin généraliste doit rapidement prendre contact avec le médecin du travail dans ces cas-là, hein, où il y a un cluster comme ça de souffrance au travail. L'étape sociale, extrêmement importante, l'environnement social et familial, est-ce qu'il y a des facteurs protecteurs, c'est-à-dire finalement un tissu de soutien familial et personnel, d'amis, de relations, qui soit soutenant, aidant. Alors la caractéristique des patients quand ils présentent une souffrance au travail, c'est d'avoir une logorée sans fin sur leurs conditions de travail. Ça finit par éloigner un peu tout le monde autour d'eux, parce qu'il n'y a pas finalement d'écoute dédiée à cette question de souffrance au travail. On dit, mais d'abord, la grande réponse actuellement, c'est, mais c'est la crise, tu as un travail. Tu souffres donc, à la limite, tu as un travail. Donc, tout va bien, au final. Donc ça, c'est extrêmement important qu'il ait la possibilité de s'exprimer, notamment les médecins, les psychologues du travail, la famille. Les proches sont ceux qui sont les plus touchés en général. Et puis aussi, les moyens économiques de résister à ce qui est en train de se passer dans son entreprise. Les facteurs aggravants, bah, c'est tout l'inverse. Hein, c'est une mauvaise maîtrise, par exemple, de la langue française, une situation précaire, aussi bien au niveau administratif qu'au niveau du travail, le type de contrat à durée déterminée, les situations d'intérim, les autres, la pression économique sur l'entreprise où il va y avoir un chantage au licenciement, un chantage à la délocalisation, un chantage à la fermeture, une pression économique importante. Le fait d'avoir des enfants, c'est pas du tout protecteur, hein, ça met une grosse pression sur les salariés. Et finalement, pour conclure, la reconnaissance de la place du médecin généraliste dans l'équipe pluridisciplinaire autour du médecin du travail, de prise en charge de la souffrance au travail, c'est une priorité de santé publique compte tenu du nombre de personnes qui sont touchées par cette pathologie. Je vous remercie de votre attention.